Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Pierre Assouline. Pierre Assouline, écrivain, journaliste, académicien Goncourt, Pierre Assouline du blog La République des Livres, le biographe aussi de Marcel Dassault, Gaston Gallimard, Daniel-Henri Kahnweiler, Albert Londres, Georges Simenon, Hergé, etc. J'en passe. Biographe, alors est-ce que l'on peut qualifier le biographe de cannibale ? Oui, si l'on suit les propos peut-être apocryphes, mais cités en tout cas par un personnage de roman, donc ce qui est dans un roman devient vérité, surtout si ce roman est signé Pierre Assouline, ben sans doute, biographe, cannibale. En tout cas, le roman paraît chez Gallimard, il s'intitule « Tu seras un homme, mon fils ». Et l'écrivain qui traite ses éventuels biographes, les biographes à venir de cannibale, c'est Rudyard Kipling. Rudyard Kipling qui espère également que personne n'écrira sur lui, même après sa mort. « Rien ne me révulse », dit-il, « comme d'imaginer que des gens vont se faire du fric sur mon dos et mon œuvre quand je ne serai plus de ce monde ». Fin de citation. Bonsoir Pierre Assouline. Bonsoir Philippe Garbi. Alors est-ce qu'en plus de l'exercice d'admiration, dommage en tout cas que vous rendez à Kipling, en tout cas que votre personnage dans ce roman, Tu seras un homme mon fils, grâce à l'entremise de ce personnage de fiction donc, Louis Lambert, est-ce que vous avez réglé un compte avec le métier de biographe que vous avez pratiqué avec talent de nombreuses années ? Non, je n'ai pas vraiment réglé de compte, mais il se trouve que Kipling, qui était au centre de mon projet romanesque, j'ai découvert en travaillant sur lui qu'il avait justement horreur des biographes. Et les phrases qui sont citées dans sa bouche, comme dans tout le livre, sont des phrases exactes hein, et non pas apocryphes. Il disait « la biographie, c'est du cannibalisme supérieur ». Je n'ai jamais très bien compris exactement ce qu'il voulait dire par là, mais enfin, on comprend à peu près l'idée. Et donc tout ce qui sort de sa bouche, pratiquement, je l'ai trouvé pour l'essentiel dans sa correspondance. 5 volumes en anglais, ça n'a jamais été traduit, et qui sont remarquables de densité, d'invention, d'imagination, parce que il était très bavard à l'oral comme à l'écrit, mais surtout à l'écrit. Et il faisait des lettres de 10 pages à chaque fois, à des tas de gens, des écrivains, des ministres, enfin le roi, ses amis, ses enfants. Donc tout ça m'a énormément servi, puisque je tiens que la vérité d'un écrivain est plus dans ses lettres, parfois, que dans ses romans, ou dans ses articles, ou ses déclarations publiques. Je pense que vraiment, la clé, c'est la correspondance. Mais pour autant, vous ne prenez pas cette attaque contre vous, et pour cause, chronologiquement, ça n'irait pas, mais pas plus que l'idée de faire du fric, qu'est-ce que ça veut dire, non. De toute façon? Oui, mais il l'a dit aussi. Oui. Non, mais moi, ça m'amuse toujours de faire des private jokes ou des clins d'œil dans des livres. Là, je m'en suis fait un moi-même, puisque je me suis attaqué, puisque ayant écrit 10 biographies, et continuant, non pas à pratiquer le genre, puisque je n'en ai pas écrit depuis un certain temps, mais continuant à en lire et à m'intéresser beaucoup à l'évolution du genre biographique, ça m'a amusé de donner des verges pour se faire battre. Mais par exemple, vous-même, dans votre travail, Pierre Assouline, de biographe, vous pensez que vous n'écririez plus une biographie de Marcel Dassault ou de Gaston Gallimard ou de Georges Simenon aujourd'hui, comme vous les écriviez il y a 20 ans, 25 ans? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai toujours écrit des biographies à partir d'un coup de foudre personnel. Ça n'a jamais été une commande, évidemment. Coup de foudre personnel qui vient du hasard, de la nécessité, de la rencontre. Et voilà, je peux pas envisager autrement. On m'a donné plein d'idées, mais je n'en ai jamais utilisé aucune. Et je n'ai pas eu de coup de foudre depuis un certain nombre d'années. Voilà pourquoi. Si j'en avais un jour, peut-être. Et la deuxième raison, c'est que la biographie telle que je l'entends, c'est un énorme travail. Bon, évidemment, à la fin, il faut pas que le travail se voie, ni l'effort. Mais c'est beaucoup de travail d'enquête, et dans les archives, dans des interviews. Enfin, il y a vraiment, c'est un gros boulot. Et on fait ça plus naturellement à 38 ans ou à 40 ans, comme je l'ai fait, qu'à mon âge. Donc, je ne sais pas si j'aurai suffisamment d'énergie pour faire des biographies telles que je les ai faites. Vous savez, la biographie de Simenon, c'est 600 pages et 1000 notes, à peu près. Bon, j'étais sur quatre, dans quatre, les quatre pays où il a vécu. J'ai arpenté tous ces endroits, j'ai été partout, j'ai rencontré tous les survivants de son époque. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui. Je suis pas sûr. En tout cas, aujourd'hui, mon désir, puisque c'est toujours un désir, un livre, hein, ce n'est pas une idée, surtout pas. Mon désir me porte vers une forme de roman qui a l'avantage de réunir mes deux passions qui sont l'histoire et la littérature. Et vous-même, Pierre Assouline, vous n'interdisez pas aux auteurs dans l'avenir d'écrire votre biographie. Je leur souhaite bien du courage parce qu'elle sera assez brève vu que la matière n'est pas passionnante ni très originale, vous savez. On dit ça et puis on trouve Oui. toujours des dissimulations. J'ai lu. Oh, non, de toute façon, tout homme est intéressant et toute femme est intéressant parce que c'est un, comme dit l'autre, un tas de secrets. Mais une fois qu'on a éventé son secret, je ne suis pas sûr. Par exemple, Julien Green aujourd'hui, après la publication de son journal, Non caviardé. non caviardé, écrire sa biographie serait moins palpitant ni excitant puisque l'essentiel a été, voilà. Roger Stéphane, que j'aimais beaucoup, m'avait dit un jour, tout écrivain écrit par rapport à son secret. N'oubliez jamais ça. Et il ajoutait, une fois que le secret est éventé, qu'est-ce qu'on fait? Et ça m'avait beaucoup travaillé. Alors, en tout cas, votre personnage, Louis Lambert, ça me dit quelque chose, Louis Lambert, quand même, non? Ça vous Comme, dit quoi? bah, ça me dit Balzac. Alors, il y a de ça. Vous savez, le choix d'un patronyme pour, et même d'un prénom pour un héros de roman, un personnage, c'est évidemment pas innocent. Je dois vous avouer qu'à l'origine, je l'avais appelé Picard, avec un T à la fin. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il ait un prénom israélite, comme on disait autrefois, mais qui soit pas identifiable aujourd'hui. Quand on dit Picard, les gens ne pensent pas du tout que ce serait un prénom juif, mais c'était le cas. Donc nous sommes fin 19e, début 20e. Quand mon éditeur a lu le manuscrit, il m'a dit c'est un peu embêtant parce que ça sort en même temps que le film de Polanski, J'accuse, dont le héros est un Picard aussi, mais pas le même genre de Picard, et ça peut créer une confusion. Alors j'avais en remplacement immédiat Lambert, parce que Lambert est également, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un nom israélite, qui est un nom qui est attesté notamment en Lorraine, en Alsace, depuis, disons, la fin du XVIIe siècle. Et parce que j'aime bien la généalogie, hein, je m'intéresse beaucoup à ça, et surtout à l'onomastique. Et l'onomastique est évidemment une science essentielle quand on fait de la recherche généalogique. Et Lambert, son nom est attesté par les registres depuis le 17e. Donc, je crois que c'est en Lorraine. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un père anti-Dreyfusard. Ben, c'est ça un C'est peu la toute la complexité, complexité, voilà, toute la la complexité chose. non pas du personnage Louis Lambert, parce que je Oui. pense que, alors lui, il n'est pas biographe, il a envie de rencontrer le grand homme, il le rencontre assez jeune, en fait, il le rencontre en France, Rudyard Kipling, donc quand même cette réputation formidable qu'il a à ce moment-là, enfin qu'il a toute sa vie, il l'admire. Est-ce qu'il l'aime finalement? Parce que vous dites aussi, enfin le personnage dit que dans Tu seras un homme, mon fils, donc votre roman, Pierre Assouline, que l'Angleterre admire Rudyard Kipling, mais est-ce que l'Angleterre aime Rudyard Bien Kipling? sûr. Mais ça, c'est une constante, hein. Même Simenon, ça m'avait frappé. On peut être admiré sans être aimé. Et là, effectivement, bon, Louis Lambert, je l'ai inventé, mais tout le reste est exact. C'est un prof de lettres qui est passionné de littérature et de poésie, qui est au lycée Janson de Sailly à Paris, professeur, et dans des classes secondaires, et qui a eu comme prof d'anglais Mallarmé, et qui se passionne pour la littérature, la poésie anglaise. Et il a entre autres passions l'œuvre de Kipling. Mais en fait, il ne sait rien de lui. Et il a, dès le début, un projet. Il a été ébloui, comme beaucoup de gens, par le poème If de Kipling, qui va être traduit par Tu seras un homme, mon fils, un peu plus tard par André Mauroy, et puis par d'autres, parce que ce poème, beaucoup de gens s'en sont emparés, c'est un des poèmes les plus mondialement connus. Il n'y a pas un écolier britannique qui a échappé à ce poème, mais même en France d'ailleurs. La plupart des écoliers ont lu Tu seras un homme, mon fils, comme un bréviaire, parfois même comme une punition. Vous recopierez 50 fois, Tu seras un homme, mon fils, le châtiment suprême. Et il le rencontre par hasard en vacances et il Dans ose une ville l'approcher. d'eau. dans une ville d'eau à Vernet-les-Bains. Il ose l'approcher timidement pour lui dire « J'aimerais traduire moi aussi votre poème, est-ce que vous m'autorisez à le faire ?» Là, il est quoi? Il est lycéen à ce moment-là? Ah non, il est prof. Il est déjà prof? Ah oui, c'est déjà prof, mais jeune prof. Avec sa grand-mère? Avec sa grand-mère, mm-hmm. Oui. Et, mais moi, comme j'allais en vacances avec mon grand-père, quand j'étais déjà jeune adulte, ça me paraissait tout à fait normal. Non, parce que on pense aussi au narrateur avec sa grand-mère à Balbec, donc, qui est plus jeune chez oui, Proust. Mais on m'avait proustisé, là. Oui. Remarquez, j'en suis ravi. Je comprends. Et il ose lui demander, est-ce que je pourrais retraduire? Et Kipling dit ni oui ni non, et lui dit, ah ben, allez-y, on verra bien. Et en fait, ça va prendre 20 ans. Il le teste d'abord par une formule. Le teste, oui, pas mal de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça va durer 20 ans parce que mon prof de lettres est un perfectionniste. En fait, il voudrait offrir à ses lycéens et à ceux de tout son lycée le poème, mais le traduit le mieux possible. Il n'est pas satisfait des traductions. Il les trouve pleines de contresens. Et surtout celle de Monroy qui lui paraît totalement absurde. Et ça va lui prendre beaucoup de temps, parce qu'il est ultra perfectionniste, et puis parce que entre les deux intervient la guerre, la Première Guerre mondiale. Parce qu'ils font connaissance en 14, mais en mars-avril 14. Donc la guerre est là, tout le monde est pris par la guerre. En fait, si vous voulez, mon point de départ, ce n'est pas tant Kipling. Mon point de départ, c'est les relations père-fils. Et c'est une phrase qui me hante, jusqu'où un père, ou ça peut être une mère, mais enfin là il s'agit d'un père, est-il responsable du destin de son fils? Ou ça peut être de sa fille d'ailleurs. Enfin, il se trouve que là c'est un père et son fils. C'est ça qui m'intéresse, c'est les relations père-fils. Cette responsabilité qu'on a, ou que votre père a, sur vous, parce que vous avez beau grandir, devenir un adulte, et même à votre tour père de famille, vous restez son enfant. Et dans la mesure où un père est souvent un guide, un conseiller, il peut influer sur le destin d'un fils. Bon, donc il y avait ça, cette interrogation que j'ai depuis très très longtemps, depuis que je suis un jeune adulte, disons, avec mon père, avec qui j'ai eu d'excellentes relations, qui n'est plus de ce monde. Donc aucun compte à régler de ce côté-là. Au contraire, plutôt un hommage. Et là-dessus, s'est greffé une histoire, qui est celle de Kipling, que j'avais trouvée dans une librairie à Londres, un jour, en flânant, dans un tout petit livre consacré uniquement à un moment de Kipling, qui est le moment où il perd son fils. Car son fils, John, qui était inapte au service militaire, parce qu'il ne voyait presque pas, tellement il était myope, eh bien, Kipling lui dit, c'est pas normal que le fils du grand Kipling, le grand poète de l'Empire britannique... Qui annonce la guerre depuis longtemps. Qui depuis longtemps, non seulement annonce, prévient, mais conjure ses compatriotes de faire la guerre aux Allemands, de se méfier des Allemands, les Huns. Il dit pas les Boches, lui, il dit les Huns. Méfiez-vous, et voilà, et la guerre est là. Et son fils est réformé. C'est la honte pour lui. Et donc, il le pistonne, grâce à un ami colonel, pour être quand même incorporé. Et le fils ne veut pas décevoir le père. Déjà qu'il l'a beaucoup déçu, parce que il n'a pas le niveau nécessaire pour entrer dans la marine. Et il sera dans l'infanterie. Et donc, il se retrouve, évidemment, au front, dans les tranchées, et à la tête d'une unité. Et évidemment, il est balayé dès le premier assaut. Mais il n'est pas déclaré mort, il est déclaré « missing in action », disparu. Il y a eu, on l'oublie, des centaines de milliers de disparus, notamment dans l'armée britannique, parce que la violence des combats était telle, et le déluge de feu était tel, que parfois les corps, très souvent, on ne retrouve même pas la plaque, on ne retrouve rien. Et donc Kipling dit « il n'est pas mort ». Il est peut-être prisonnier en Allemagne, peut-être soigné dans un hôpital allemand, et donc il va faire des recherches lui-même, et sur le terrain, pendant 2 ans, jusqu'au jour où on lui dit on ne le retrouvera jamais. Et donc là, il accepte non seulement cette mort, l'annonce de cette mort tant redoutée, mais sa propre culpabilité, sa propre responsabilité. Il y avait une culpabilité aussi précédente, c'est-à-dire qu'une petite fille était morte également suite à un trajet sur un bateau qui aurait pu être... En effet, la petite fille aurait pu rester en Angleterre, attendre ses parents qui allaient... C'était en plein hiver, au mois de décembre, et Kipling devait faire des conférences à New York, et il emmène sa famille, alors que sa propre mère lui dit, on n'emmène pas des enfants si jeunes sur un paquebot en plein hiver dans une ville, New York, aussi glacée, parce qu'il fallait traverser l'Atlantique en paquebot. Fût-ce un paquebot de luxe. Et il l'a quand même fait. Et arrivé là-bas, tout le monde est tombé malade, mais certains plus que d'autres. Et lui et sa fille aînée, qu'il adorait, qui avait 7 ans, sont tombés gravement malades de pneumonie. Mais la petite n'a pas eu la résistance suffisante pour y échapper. Et elle est morte là-bas. Donc il avait déjà cette culpabilité, responsabilité vis-à-vis de cette mort qu'il a détruit à lui. Et il a fait une résilience grâce à la littérature, grâce à la poésie, grâce à son travail. Il a parlé d'elle dans sa poésie. Oui. Il n'y a pas eu un poème qui aurait pu s'appeler cyniquement, enfin non. Qui n'aurait pas été le titre, mais « Tu ne seras jamais une femme, ma fille », enfin l'équivalent quoi. Non. Il n'y a pas eu parce que dans son œuvre littéraire et poétique, il n'a parlé directement ni de son fils ni de sa fille. Il y a des formules. Est-ce que nous avons déjà tué nos fils, quand même, qui sont des formules ou, alors, à peu près. Il y a cette formule qui est terrible. Mm. Oui. Mais alors, bien sûr, mais c'est pas direct, quoi. Il n'y a pas leur prénom, il n'y a pas. Mais il y a des. Genre, j'ai relevé quelques vers ou quelques phrases. Mais avons-nous déjà tué nos fils? C'est terrible. Il écrit ça bien avant 14. Alors, on est dans un roman, en tout cas, Pierre Assouline, Tu seras un homme, mon fils, publié chez Gallimard. On est dans un roman, on est aux côtés ou dans la tête dans l'esprit, dans l'admiration de Louis Lambert. On est aussi, de temps à autre, dans l'agacement devant le personnage de Kipling, qui n'est pas toujours un être exquis, enfin, qui a beaucoup de défauts qui pourraient tout à fait déplaire à Louis Lambert. Il a de gros défauts, mais comme tous les Français, ou la plupart des Français, Lambert, ce prof de lettres, ne connaît pas le personnage de Kipling. Les Anglais le connaissent. Mais nous, en France, on ne voyait que l'auteur des livres de la jungle, le grand poète, le grand novelliste, hein, parce qu'il a fait des nouvelles extraordinaires. C'est un des meilleurs novellistes de son temps. Et donc, il ne voyait que ça. Alors que les Anglais voient aussi l'homme qui écrit dans le Times, très régulièrement, des éditoriaux enflammés, et l'homme qui fait des philippiques, qui lance des philippiques, des harangues incroyables, d'une violence inouïe, dans les tribunes qu'on lui offre un peu partout en Angleterre, je veux dire dans des conférences orales. Et il y a un hiatus entre les deux. Mais et qui attaque-t-il? Il va le découvrir. Oui. Alors il attaque les Huns, les Allemands. Oui. Bon, ça, les Français ne sont pas contre Rudyard Kipling à ce moment-là, mais il est aussi antisémite, Kipling. Il est antisémite, mais ça, il a la prudence de ne jamais le faire oralement. Ni dans ses poèmes, ni dans ses... Alors si c'est pas oral et si c'est pas écrit... Dans ses lettres. Ah, c'est écrit lettres. Quand même. C'est écrit, oui, mais c'est confidentiel. Mmh. C'est-à-dire que... Sauf que la correspondance sort quand même. Oui, mais ça me fait penser, vous savez, à quoi? À Heidegger. Heidegger, officiellement, on n'a jamais trouvé de texte antisémite. Mais quand les Cahiers Noirs sont sortis, qui était son journal intime, alors là, il y en a partout. Eh bien là, c'est pareil. Moi, je tombais des nues aussi, hein, parce que j'avais lu des biographies. Bon, mais là, dans la correspondance, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Chardonne, Morand. Oui, oui, exactement. Il y a de ça. Mais alors, parfois, c'est vraiment, c'est très perfide, c'est très très cynique. Mais c'est pas un antisémitisme biologique, comme chez les nazis par exemple, c'est un antisémitisme d'État, un peu assez maurassien. Il y en a trop. Voilà, c'est ça quoi. Et puis avec des petites remarques. Ils ne sont pas anglais. Ils ne sont pas anglais, non, ils sont étrangers, mais ils sont étrangers au monde en général. Ils sont partout étrangers. Bon, c'est tout à fait le reflet de l'époque. Hein. On est en plein dedans. Sans aucun esprit critique vis-à-vis de ce qu'il écrit, etc. Alors, on va écouter au cours de cette nuit, de votre nuit rêvée, Pierre Assouline, dans cette première partie, plusieurs entretiens. On va commencer par Simenon, au micro d'André Gillois, dans une émission qui s'appelle « Qui êtes-vous ?». C'était en 1952 sur la chaîne nationale. Puis, une tribune de Paris, « L'Angleterre et la Fédération européenne » par Émile Dana avec William Pickles. Claude Bourdet, Jean-Maurice Martin. Alors ça date de 1948 sur la chaîne nationale. Et là, il est bien question, en 1948, de l'Angleterre qui veut entrer dans cette ce qui n'est pas encore la communauté européenne, ce qui n'est pas l'Union européenne, bien entendu. Mais voilà, il faut quand même... L'Angleterre veut être dans l'Europe. La guerre est finie. Bon, on sait la suite. La suite dans votre Nuit rêvée, ça sera des entretiens avec Daniel-Henri Canveller, Comment je suis devenu marchand de tableaux, et puis sa rencontre avec Picasso. Il était au micro de Francis Crémieux en 1961 sur France 3 National. Et cette première partie se terminera avec une émission consacrée à la Chine. Samy Simon en revenait, ça s'appelle Ainsi va le monde, la Chine telle que je l'ai vue, Hong Kong et Shanghai. Alors, et ça date de 1948. Alors, vous imaginez que tout cela va parler à nos oreilles d'aujourd'hui, comme toutes les archives, bien entendu, mais on entend ce qui se disait dans les années 40, ce qui se pensait dans les années 50, et puis on entend aujourd'hui, en 2020, voilà, ce qu'est devenu, ce que deviennent ces pensées, ces espoirs. Simenon, on commence par lui, bien entendu. Alors, vous l'avez dit, donc 600 pages, 700 pages, je sais plus. Oui, c'est ça, oui, 600 pages. C'était je voulais faire la biographie, parce qu'elle n'existait pas. Il y avait des tas de livres sur Simenon. Il y a toujours des tas, mais ce sont des essais, des mémoires, des tas de choses. Beaucoup d'analyses, mais la grande biographie, qui n'était possible que si on avait accès à ces archives privées. Mais totalement privées. Et donc, Alors comment ça se passe dans ces cas-là? On va voir la famille? Vous avez 2 minutes? On a plus que ça. Non, je vais pas être très long. Non, voilà. Depuis, j'ai fait connaissance de manière épistolaire de Simenon. Parce que quand j'écrivais la biographie de Gaston Gallimard, je lui ai écrit, comme à d'autres, pour lui demander de me raconter ses relations avec Gaston. Et donc, il a été absolument formidable avec moi. J'étais jeune et il m'appelait « cher confrère ». Et moi, ça me... Voilà, donc il y avait un échange de lettres. Et c'était très bien. Et puis, par la suite, je lui envoyais mes livres, il me répondait très gentiment. Et régulièrement, je demandais une interview pour le magazine Lire ou d'autres où je travaillais, et à chaque fois il me disait: mais vous savez, je ne vois plus de journaliste depuis très longtemps, j'ai tiré le rideau, c'est fini. C'était un rituel. Et puis un jour je me suis rendu compte que il n'existait pas la grande biographie au sens anglo-saxon du terme, ni en français ni dans aucune autre langue. Et donc un jour j'ai écrit pour lui dire je voudrais vous voir, mais pas pour une interview, pour vous parler d'un sujet qui vous touche de près, votre biographie. Et j'ai reçu le lendemain, 2 jours après, un coup de fil de sa compagne, Teresa, qui m'a dit « Venez, mais dès demain, parce que, bon, il faut pas tarder, et il a très envie de vous voir, nous sommes en vacances, rejoignez-nous. » Alors je me suis dit « Mon Dieu, s'ils sont aux Seychelles, je vais pas m'en tirer. » Et ils étaient en vacances, et elle me dit, alors on est en vacances à Lausanne. Je dis, mais vous habitez Lausanne? Elle dit, oui, mais on est en vacances à l'hôtel Beau Rivage. Ça change. C'est un grand palace à 500 mètres de chez eux. Je suis allé, il avait loué une suite. On a passé une matinée formidable. Il y avait son assistante et sa compagne qui étaient présentes. Et à un moment, je lui dis, bon, j'aimerais faire votre biographie. Il me dit, pas de problème. Je lui dis, oui, mais je voudrais avoir accès à vos archives. Il me dit, mais vous savez, elles sont à l'université de Liège. Il y a un fonds Simenon qui vous accueillera très volontiers. Je lui dis, oui, ça je sais, mais vous avez des archives privées. Il me dit, ah oui, elles sont dans ma cave. Et il y a tout dedans. Et oui, il me dit, je garde tout. Ben, je lui dis, c'est ça que je veux voir, ce qu'il y a dans votre cave. Et à ce moment-là, sa compagne lui dit, mais monsieur Asouid veut faire avec toi ce qu'il a fait avec Gaston Gallimard. Et Simenon m'a dit, mais dans ce cas-là, d'accord, avec plaisir, je ne demanderai pas à relire votre manuscrit, comme sera, je serai libre de le critiquer. Et donc, ça s'est scellé comme ça, et 2 mois après, il est mort. Et donc, ses ayants droit m'ont heureusement donné le droit, et je me suis installé dans sa cave pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai passé 1 ou 2 jours par semaine dans la cave, qui est une cave blindée, à la Suisse, anti-atomique, et surtout, tout était rangé de A à Z, mais tout, absolument tout. Non seulement il gardait tout, non seulement tout était rangé, le départ et le retour, mais il gardait même ses ordonnances de médecin, ce qui pour moi est formidable, pour un biographe c'est inouï. Donc j'ai pu avoir tout ce que je voulais, mais absolument tout, et que même des tas de choses que personne ne savait, bien sûr. C'était le moyen de faire ce que j'appelle moi la grande biographie. Et ça a été un énorme travail, ça a été passionnant, ça a été épuisant, parce que c'est un homme de l'excès, Simenon. D'ailleurs, c'est l'incipit de mon livre. Il est né sous le signe de l'excès. Excessif en tout, gagner l'argent, les femmes, le sexe, les livres. Il a tout fait, mais 10 fois plus que les autres. Et ben, il faut suivre. Et puis à la fin, c'est un peu oppressant, parce qu'il y a le suicide de sa fille, ce qui l'a totalement anéanti, bien sûr, comme on s'imagine. Et ben, à la fin, je commençais à être moi-même très oppressé. Parce que quand on écrit la biographie de quelqu'un, on se met à sa place. C'est plus que de l'empathie. Quand j'écris la biographie de Simenon, j'ai fumé la pipe pendant 3 ans. Quand j'ai écrit la biographie de Gaston Gallimard, j'ai porté un nœud papillon pendant 3 ans. Donc à chaque fois, l'empathie est maximum. Que conseillez-vous à Louis Lambert alors? Non, vous lui déconseillez, votre personnage de fiction, d'écrire la biographie de Rudyard Kipling. Bah parce que, de toute façon, Kipling ne s'y serait pas prêté. Mm-hmm. Non mais lui-même, Louis Lambert, donc dans Tu seras un homme, mon fils, dit qu'il n'est pas un spécialiste de l'œuvre de Kipling, c'est simplement un admirateur, oui. Et quelqu'un qui a cette idée insensée de vouloir traduire mieux que tout le monde. On va écouter Kipling quand même, dans un petit extrait, c'est pour un film. I have the honor to speak today to our most welcome fellow craftsmen and fellow craftswomen from Canada. We who use words enjoy a peculiar privilege over our fellows. We cannot tell a lie. However much we may wish to do so, we only, of educated men and women, cannot tell a lie in our working hours. For it is with us as it is with timber. Every knot and shake in a board reveals some disease or injury that overtook the log while it was growing. A gentleman of the name of Jean Pigeon, who built a frame house for me once, not very far from your border, put this in a nutshell. He said, everything which the tree she have experienced in the forest, she take with her into the house. That is the law for us all, each in his or own. Alors vous allez nous traduire ça intégralement. Oui, bien sûr. Ah bien bah quand sûr. quand on donne à oui. mission à son personnage de fiction de traduire et de donner la meilleure traduction française au monde du poème If, on est capable. Il me manque le contexte. Mm-hmm. Bon et puis aussi le fait que ça rend pas hommage à ses qualités d'orateur, hein, parce que techniquement, bon, c'est pas très bon. C'est une vieille bande que j'ai vue et écoutée, parce qu'il y a c'est un film, hein, dans sa maison, parce que à Batemans, dans le Sussex, Burwash, le village de Burwash. Votre personnage va souvent, d'ailleurs, il va aider le fameux fils, oui, à apprendre un peu le français. Français. Et j'y suis allé parce que je voulais vraiment m'imprégner, refaire ses promenades dans le Sussex. Respirer le même air, la même campagne, et ça a été décisif pour moi ce séjour chez lui. C'est une maison qui se visite, qui est très belle, hein, comme beaucoup de maisons d'écrivains en Angleterre, qui est très bien entretenue. Alors, on a dit Simenon, Pierre Assouline, on fait des va-et-vient comme ça entre oui, votre oui. personnage, entre votre roman et les archives que vous avez choisies. Donc cette Tribune de Paris, l'Angleterre et la Fédération Européenne. On ne quitte pas vraiment l'Angleterre, on y retourne, on y reste. C'est votre deuxième pays, troisième pays, quatrième pays. Je crois qu'il y a un autre pays, mais on en parlera dans la deuxième partie de votre nuit rêvée, puisqu'il y a Retour à Séfarade qui sort en folio. On y reviendra. Mais l'Angleterre. L'Angleterre, oui, non, je suis anglophile, pas anglomane, ni anglolâtre, mais anglophile, sérieusement, depuis l'âge de 16 ans. Parce que, à 16 ans, comme beaucoup de jeunes Français, mes parents m'ont envoyé en Angleterre pendant un mois d'été, et j'étais à Cambridge. Et j'y suis retourné pendant 3 ans. Et ça, chez moi, ça a déclenché une fibre anglophile extraordinaire. Il faut dire que le campus de Cambridge est assez extraordinaire. C'était les meilleures conditions imaginables. Et c'est né là. Bon, c'était l'Angleterre des Beatles, hein, pour moi. Donc, ça comptait énormément. Et ça n'a jamais cessé. Donc, je suis passé des Beatles et de Cambridge à Rolling Stones, bon, mais aussi à la littérature, à la poésie. Et ça n'a jamais cessé. Et puis, au pays. Où j'ai été par la suite pendant jusqu'à aujourd'hui, beaucoup à Londres bien sûr, mais beaucoup en province, un peu partout, pour des reportages, des interviews, chaque fois qu'il y avait un écrivain anglais à interviewer, j'étais partant, que ce soit Graham Greene, que ce soit John le Carré, ou que ce soit Anthony Paul, des gens comme ça. J'étais toujours volontaire pour des grands entretiens avec des écrivains anglais. Et la littérature 19e siècle anglaise, vous y êtes intéressé aussi? Oui. Bon, Thomas Hardy, tout ça, bien sûr. Mais c'était... Il y avait Dickens, mais j'étais plus Anthony Trollope, qu'on lisait peu, d'ailleurs, en France. Même aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et puis, Thackeray, aussi. Parce que, grâce à Barry Lyndon, je l'ai redécouvert. Vanity Fair, tout ça, c'était vraiment des livres qui m'ont, des romans qui m'ont marqué. Vous êtes snob, Pierre Soulier. Il a écrit le livre des snobs. Bah voilà, oui. Savez, oui. Êtes-vous snob? Je n'ai pas snob. Je crois pas. Au sens étymologique, originel, sine nobilitat, comme l'écrivaient les directeurs des maisons à Cambridge, Oxford, à propos de tel ou tel élève. En tout cas, vous avez un passé, vous avez une généalogie, parce que vraiment, quand on lit Retour à Séfarade, dont on parlera plus abondamment tout à l'heure au milieu de la nuit, quelle passion. Alors, la passion, ça a été pour Dassault, enfin passion, oui, une passion littéraire, ou en tout cas de travail, de biographe, donc, de cannibalisme de ces personnages, donc Dassault, Gallimard, Simenon, Canveller et d'autres. Cartier-Bresson. Mais à un moment donné, c'est lié peut-être à l'âge où on commence finalement à s'intéresser aussi quand même à sa propre histoire. Non, parce que moi, je m'y suis toujours intéressé. Non. Alors, je vais vous dire, moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dessous de très juif. Et celui qui m'a fait rendre compte de ça, c'est Jean d'Ormesson. J'ai connu Jean d'Ormesson, il y a longtemps, dans une émission à France Inter. Et on était comme nous deux, cette nuit, de part et d'autre du micro, pour un échange très cordial. Puis après, on a sympathisé, et puis on est reparti ensemble. Et on a marché longtemps, puis après, on est devenus amis. Enfin, de très bonnes relations amicales. Mais cette première fois, quand on était sur le trottoir là du Quai Kennedy, il m'a dit, vous savez, j'aurais toujours plus d'intérêt et de plaisir à m'entretenir avec un Israélite comme vous qu'avec un bourgeois catholique français. Je lui dis, c'est curieux, pourquoi ? Il me dit, parce que les aristocrates et les juifs, on a le même défaut, qui est une qualité, c'est qu'on a la même obsession généalogique. Quand on rencontre un autre, au bout de 2 minutes, qu'est-ce qu'on lui demande ? Mais d'où venez-vous ? Non, mais vous êtes d'où exactement ? Oui, mais de quelle ville ? Parce que c'est évident qu'on vient pas de l'endroit où on habite, qu'on vient d'ailleurs, et que même si c'est la France, on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, et dans quelle généalogie, dans quelle lignée ça s'inscrit. Et donc, à cette obsession généalogique, se noue une passion pour le nomastique, pour les noms, qu'on retrouve aussi chez beaucoup d'aristocrates. Et donc, c'est lui qui m'avait fait prendre conscience de ça. Mais pour moi, c'était naturel. Et c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un et que son nom m'indique ses origines, j'ai toujours envie de lui demander, d'ailleurs je lui demande, mais vous venez d'où exactement ? Et avant. Entretien avec Canveller. Alors là aussi, vous avez écrit une biographie de Canveller. Eh bien, c'est grâce à France Culture, en fait. Parce que moi, je m'intéressais beaucoup à la peinture, parce que comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'avais fait de la peinture étant jeune. Et je lisais pas mal de choses dessus. Je n'avais aucune idée de qui était Canveller. Je m'intéressais essentiellement à l'impressionnisme. Mais je connaissais à peine son nom en entrevue. Et un jour, un dimanche, un ami me dit, il y a une grande exposition, de la donation Léris Canveller, au centre Pompidou. Et il m'avait emmené. Bon, j'avais été assez fasciné par ces tableaux, qui étaient une collection magnifique, sur les grands cubistes. Hein. Picasso, Gris, Léger, j'ai oublié le quatrième, Braque, bien sûr. Et j'étais frappé parce que le nom de Canveller était partout. Bon, ça m'avait intrigué. Et en sortant, j'ai dit à mon ami, c'est ce type, finalement, que je ne connais pas, c'était le Gaston Gallimard de la peinture cubiste. Je venais de publier votre biographie de Gaston Gallimard. Et on regarde la librairie qui était à l'entrée de l'exposition, et je vois Entretien avec Francis Crémieux à France Culture, un livre de poche. Alors je l'achète, je me dis, tiens, je vais essayer d'en savoir plus. Je l'ai lu en une nuit, et le lendemain, j'ai déposé un petit mot sur le bureau de mon éditeur André Ballant, en lui disant « J'ai trouvé mon prochain, le prochain héros de ma prochaine biographie, il s'appelle Kahnweiler, et je lui ai mis le petit livre. » Il l'a lu, il me dit « Mais je vous comprends parfaitement, allez, on y va. » Et je suis parti comme ça, sans savoir, sans connaître grand-chose d'ailleurs au sujet. Et là aussi, j'ai bénéficié d'une chose que personne n'avait eu, à laquelle personne n'avait eu accès. Les archives privées de Kahnweiler, de sa galerie. Et là encore, des archives qui étaient à la cave, qui étaient totalement inédites, et toutes, comme chez Simenon, rangées, dans un ordre parfait, mais là, un ordre quasi-germanique. Et ça a été pour moi le seul moyen de faire, là aussi, la grande biographie Kahnweiler, ce qui a suscité pas mal de jalousie chez des historiens de l'art qui, depuis 30 ans, m'écrivent en me disant « Vous n'auriez pas la photocopie ou la copie de telle ou telle lettre avec tel sculpteur ou... ?» Or, je n'ai rien, puisque je n'ai pas eu droit à la photocopie. Mais vous avez droit, en tout cas, à leur faire entendre ce que nous allons écouter aussi cette nuit. Donc, ces entretiens, enfin, deux de ces entretiens avec Francis Crémieux, ça date de 1961. Parce que c'est important aussi d'avoir la voix des gens. C'est essentiel. Et c'est une chose qui me manquera toujours, par exemple, pour Albert Londres, dont j'ai fait la biographie. Oui, connaître la voix de son héros, ça change tout. Là-dessus, juste une anecdote. Un jour, j'étais très lié à Cartier-Bresson, et dont j'ai écrit la biographie par la suite. Dont on a la voix. Et alors lui, on a sa voix, et un soir, on parlait chez lui, on buvait un verre après dîner, on parlait de plein de choses, et on parlait de peinture, parce qu'il adorait la peinture. Et il me parle de Nicolas de Staël. Il me dit, j'ai lu un livre formidable de ton ami Grelzamer, la biographie de Nicolas de Staël. Et il m'a dit, ce livre est excellent, il manque juste une chose. J'ai dit quoi? Il me dit, et à ce moment-là, Cartier-Bresson se met debout, il était grand, hein, et il monte sur le bout de ses doigts de pied, comme ça, pour être encore plus grand. Et il fait... Nicolas de Staël. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non seulement il était très grand, ce qui ne se voit pas dans un livre, mais il avait une voix très impressionnante et caverneuse. Et je pouvais comprendre sa remarque, parce que pour moi, la voix, c'est essentiel. Je n'ai pas la voix des Camondo, je n'ai pas la voix d'Albert Londres, je n'ai pas la voix de Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes, et ça m'a toujours manqué. Mais on a la voix de Gaston Gallimard, que l'on entendra lui-même donc dans une émission aux côtés de Robert Mallet, interviewé par Robert Mallet. Ça s'appelait Vocation, c'était en 1959 sur France 3 National. Mais on n'y est pas encore, car avant, il y a la première partie, avant la deuxième partie, et à la fin de cette première partie, on va écouter donc une émission donc sur la Chine, Hong Kong. Alors bon, on ne va pas traiter de l'actualité d'Hong Kong, mais quel est le Hong Kong que vous connaissez, qui vous intéresse et que vous avez eu envie de nous faire entendre? Ben, mon Hong Kong à moi, qui est un Hong Kong très contemporain, parce que... Oui, c'est pas celui de 1948. Ma fille et mes petits-enfants habitent là-bas. Et j'y vais le plus souvent possible. Donc, les événements actuels me parlent beaucoup parce que c'est triste. C'est très triste parce que de toute façon, on n'en voit pas l'issue. Et ce qui va se dessiner, c'est qu'il y aura une répression de plus en plus forte, un encadrement de plus en plus fort. Il faut bien imaginer que les Hongkongais, ce ne sont pas des Chinois, ce sont des Hongkongais. Ils se considèrent comme Hongkongais. D'ailleurs, c'est un, comme dirait l'autre, un même peuple, c'est séparé par deux langues. C'est-à-dire qu'ils parlent le cantonais, alors que les Chinois parlent le mandarin. Et puis quand on va à Hong Kong... Tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais, tout le monde a un prénom anglais, exprès. Et ce sont des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec les Chinois. Donc la situation... de l'ex-colonie britannique est tellement atypique que ça ne pouvait pas durer. Et en même temps, pour les Chinois, qui pourraient écraser ça en une journée, c'est pas possible. C'est un vrai problème parce que c'est leur coffre-fort. Et toutes les fortunes chinoises ont leur dépôt à Hong Kong. C'est là que ça se passe. Alors ça commence peut-être en 1948, puisque quand l'émission Ainsi va le monde est diffusée, les Chinois, enfin les communistes n'ont pas pris le pouvoir. On est encore à quelques mois de la révolution chinoise. Et il y a un homme qui est sur place et qui fait des photos extraordinaires, c'est Cartier-Bresson. Qui a choisi d'être le correspondant en Asie de l'agence Magnum et qui couvre la révolution chinoise avec cette photo fameuse à Shanghai de tous les gens qui a une véritable émeute pour retirer de l'argent dans les banques. Simenon, l'Angleterre, Daniel Henry Kahnweiler et la Chine, ce sont les sujets de votre première partie de votre nuit rêvée, Pierre Assouline. On se retrouve tout à l'heure, on reparlera évidemment de ce roman, Tu seras un homme, mon fils, publié chez Gallimard. Et puis on parlera aussi de Retour à Sepharad, un récit qui lui est paru en folio. À tout à l'heure.